إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Puis il dit, se dénommait Ahmed Mikhtar, et jusqu'à aujourd'hui, elle a plusieurs têtes comme un serpent a plusieurs têtes. Et parmi ces têtes, celui qui s'appelle Rabi al-Madkhali, qu'Allah le détruise et qu'il se venge de la communauté musulmane contre lui. Je dis à ce Ahmed Mikhtar, un serpent a plusieurs têtes. Il faudrait arrêter de trop lire la mythologie, car à force, on ne différencie plus entre la réalité et le mythe. Le serpent, ou les serpents, ont une seule et unique tête. Il arrive que dans des cas rarissimes, suite à une malformation, ils aient deux ou trois têtes, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des animaux et même des êtres humains. Certains bébés sont nés avec deux têtes. Billahi alaykoum. Vous vous rendez compte le niveau auquel on est obligé de descendre pour répondre aux fanatiques qui sont aveuglés par leur passion et qui parlent sans science ni preuve. Parmi ces têtes, celui qui s'appelle Rabi al-Madkhali, qu'Allah le détruise, wal-iyadhu billah, et qu'il se venge de la communauté musulmane contre lui, et qui ne cesse de diviser les musulmans là où il se trouve, lui et sa mouvance et sa secte, wal-iyadhu billah. Après s'en être pris à Cheikh Mohamed Aman al-Jami injustement, de façon non justifiée, de manière mensongère, comme nous l'avons démontré, voilà qu'il s'en prend à un autre savant de l'islam à notre époque, à Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, حفظه الله تعالى وشفاه, qu'Allah le préserve et le guérisse. Encore une fois, ce Ahmed Mikhtar s'est mis en mode perroquet et invoque contre un cheikh qu'il ne connaît pas. Quelle est la preuve que ce dénommé Ahmed Mikhtar ne connaît pas Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali? La preuve est qu'il répond toujours dans sa page Facebook. Lorsqu'on lui dit que Cheikh Al-Albani et que Cheikh Ibn Baz, rahimahumallah, ont fait les éloges de Cheikh Rabi', qu'a-t-il répondu? C'est faux. Cheikh Ibn Baz est mort avant que Madkhali soit connu et finisse ses études. Al-Albani, au contraire, s'est éloigné de lui et ne l'a pas reconnu comme un savant. J'ai la preuve et je la mettrai sur le mur, inshallah. Bien sûr, la preuve n'a jamais été apportée. Ahmed Mikhtar. Oh Ahmed Mikhtar, sais-tu quel âge a Cheikh Rabi'? Sais-tu en quelle année est né Cheikh Rabi'? Cheikh Rabi', hafizahullah wa shafah, est né en 1351 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 1932. Cheikh, hafizahullah wa shafah, est aujourd'hui âgé de combien? De 82 ans. Sais-tu, Ahmed Mikhtar, que Cheikh Rabih, hafidhahullah wa shafah, avait déjà terminé ses quatre premières années d'université et avait déjà étudié auprès de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti et bien d'autres. C'était en 1384, soit en 1964. Et oui, Ahmed Mikhtar, tu n'étais pas encore né cette année-là. Sais-tu, Ahmed Mikhtar, que Cheikh Rabih, qu'Allah le préserve, a obtenu son diplôme de doctorat avec la mention « excellent » en 1400 de l'Égir, soit en 1979. Sais-tu, Ahmed Mikhtar, que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, est décédé en 1999? Tu sais maintenant, Ahmed Mikhtar, que Cheikh Rabih, hafidhahullah wa shafah, a bien fini ses études, non pas après la mort de Cheikh Ibn Baz, mais bel et bien 20 ans auparavant. 20 ans auparavant. Quant aux éloges des savants sur Cheikh Rabih, il faudrait une conférence entière pour les citer. Je vais donc me contenter de citer celle que Ahmed Mikhtar considère comme inexistante. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de Cheikh Rabih, Cheikh Rabih fait partie des meilleurs parmi les gens de la Sunnah. Est connu comme faisant partie des gens de la Sunna, ses livres et ses articles sont connus. Il dit également, lorsqu'il a été questionné sur Cheikh Rabih et sur Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, concernant les deux honorables Cheikh Mohammed Aman Al-Jami et Cheikh Rabih ibn Hadi al-Madkhali, tous deux font partie des gens de la Sunna et connus auprès de moi comme ayant de la science du mérite et une croyance authentique. Je conseille de profiter de leurs livres. Ne sais-tu pas, Ahmed Mikhtar, que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a adressé une lettre à Cheikh Rabih, lui demandant de faire une réplique à un dénommé Nazi Hamad, qui pendant une émission radio a interprété les attributs divins d'Allah Azzawajal de la pudeur et de la colère. Et Cheikh Ibn Baz, dans cette lettre, a dit, je vous demande, en s'adressant à Cheikh Rabih, je vous demande d'espérer la récompense d'Allah en lui répliquant pour montrer la vérité aux gens, car je n'ai pas entendu ses propos. Cheikh Rabih avait entendu ses propos en direct sur la radio et en a fait part à certains mashayikh qui ont transmis le message à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Cheikh Ibn Baz n'avait pas entendu cette parole. Il savait que Cheikh Rabih l'avait entendu. Il lui demande alors de répliquer à ce dénommé Nazi Hamad afin de montrer la vérité aux gens. Qu'Allah, puis il termine, qu'Allah facilite le bien, qu'Allah vous facilite le bien et qu'il décuple votre récompense. Peut-on demander à quelqu'un de faire une réplique sur une tierce personne alors qu'on ne la connaît pas, alors que l'on ne l'estime pas, alors qu'on ne la considère pas comme faisant partie des gens de science? Quant à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, pour résumer, je dis, celui qui porte véritablement l'étendard de la critique et de l'éloge à notre époque est notre frère le docteur Rabih, et ceux qui lui répliquent ne le font pas avec science, la science est avec lui. Il dit, rahimahullah, dans un autre audio, lorsqu'il est questionné sur Cheikh Muqbil ibn Hadi et sur Cheikh Rabih al-Madkhali, rahimallahu al-Sheikh Muqbil, sans aucun doute, nous louons Allah, donc c'est Cheikh Al-Albani qui parle, nous louons Allah, exalté soit-il, d'avoir mis à disposition pour cet appel béni, l'appel au Coran, à la Sunna selon la voie des pieux prédécesseurs, avoir mis à disposition de cet appel, de cette da'wah de multiples prêcheurs, à travers les différents pays musulmans qui prennent à leur charge ce devoir que très peu accomplissent dans le monde musulman. Une grande part revient à ces deux cheikhs, Cheikh Rabih et Cheikh Muqbil, les deux prêcheurs au Coran et à la Sunna, conformément aux pieux prédécesseurs. Également dans le fait de combattre ceux qui contredisent cette voie authentique, qui sont soit ignorants, soit des gens suivant leur passion. L'ignorant, il est possible qu'il soit guidé, car il pense avoir une certaine science, mais lorsque la science authentique lui apparaît, il suit le droit chemin. Quant à celui qui suit ses passions, nous n'avons d'autre issue pour lui que de demander à Allah de le guider. Ceux qui contredisent les deux chairs, comme je l'ai dit, sont soit un ignorant à qui il faut enseigner, soit une personne suivant ses passions. Nous demandons la protection d'Allah contre son mal et nous demandons à Allah soit de le guider, soit de briser son dos. Revenons à Ahmed Mikhtar qui, dans le second prêche qu'il a fait, dit, il réduit sa tenue vestimentaire du bas et laisse pousser sa barbe et rentre dans cette secte. Et tu le trouves, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dort plus qu'il prie, il mange plus qu'il jeûne et il devient gros. Et bien sûr, avec la gestuelle qui va sur le minbar du vendredi. Ahmed Mikhtar continue toujours dans le dénigrement et les insultes gratuites. Après s'en être pris à deux montagnes de science que sont Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, et Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, voilà qu'il s'en prend à ceux qui suivent la voie des salafs, à ceux qui reconnaissent ces deux mashaïrs comme des savants. Il s'en prend donc à vous et moi. Il s'en prend donc à vous et moi. Quels sont les super arguments convaincants de Ahmed Mikhtar pour prouver notre égarement? Il dit, et tu le trouves comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dort plus qu'il prie, il mange plus qu'il jeûne et il devient gros. Savez-vous à quoi ressemble cette critique de Ahmed Mikhtar envers les salafis? Est-ce que vous savez ou pas? Elle ressemble aux arguments des hypocrites qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk. Lorsque ces hypocrites parlaient entre eux et dirent « Nous n'avons jamais vu pareil à ces lecteurs. » qui ont des ventres aussi gros, ayant des langues aussi mensongères, et qui sont aussi lâches lors de la rencontre de l'ennemi. Qui les hypocrites visaient par ces insultes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. N'y a-t-il pas une ressemblance? Flagrante. Et c'est notamment suite à ces paroles des hypocrites que la parole d'Allah azzawajal a été révélée. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Est-ce d'Allah, de son prophète et de ses signes que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après la foi. Ensuite revenons à ce hadith qu'a cité Ahmed Mikhtar. Un hadith que personnellement je n'ai jamais entendu. Je l'ai d'ailleurs longuement recherché sans l'avoir trouvé. Et j'ai la certitude que c'est un hadith inventé. Inventé par qui? Par Ahmed Mikhtar lui-même, qui pour critiquer les salafis n'hésite pas à mentir sur qui? Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dort plus qu'il prie, il mange plus qu'il jeûne et il devient gros. C'est un hadith inexistant. Et je le défie, quiconque, d'apporter un hadith dans ces termes. Comment le prophète alayhi sallatu wa sallam aurait pu critiquer celui qui dort plus qu'il ne prie? Est-ce que c'est un mal de dormir plus qu'on ne prie? Oui ou non? Quelle est la meilleure des prières? La prière de Daoud alayhi salam. Et quelle est la prière de Daoud? prophète Hassan a dit, Kana yanamu nisf al-layl. Il dormait la moitié de la nuit. Wa yaqumu thuluthahu. Et il priait le tiers. Wa yanamu sudusa. Et il dormait le sixième. Dans toute la nuit, Daoud alayhi salam, combien de temps il dormait? Combien de temps il priait? Il dormait les deux tiers de la nuit et priait un tiers de celle-ci. Il dormait plus qu'il ne priait? Oui. Pourtant, c'est la meilleure des prières nocturnes. Il mange plus qu'il ne jeûne. Quel est le meilleur des jeûnes? Le jeûne de Daoud, alayhi salam. Il jeûnait un jour et rompait un jour. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonne de faire le jeûne de Daoud, ou est-ce que c'est la limite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fixée? N'est-ce pas la limite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixée à ce jeune compagnon lorsqu'il a dit « Ya Rasulallah, inni utiqu akthara min dhalik » Ô envoyé d'Allah, mais je peux faire plus que cela. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu? « La afdala min dhalik » Il n'y a pas meilleur que cela. Si il était interdit de manger plus qu'on ne jeûne, est-ce que le prophète aurait fixé cette limite? Non. Je défie donc Ahmed Mikhtar et quiconque d'apporter un hadith dans ces termes. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.